Au même instant que le marin aborda, comme Paul avait dit, il apesandrait, près de qui une foule s'était rassemblée. Il importa le manteau sur le rivage pour lui donner. Et quand sa mère vit son fils venir, elle alla l'embrasser, et le manteau de Paul toucha ses yeux. Alors elle se mit à voir. Ils rendirent gloire à Dieu, de ce qui venait d'arriver. André alla au devant du marin et dit : « Où est celui qui est monté avec toi sur le bateau ?» Il s'est jeté hors bord dans l'eau, en disant : « Je vais aller visiter les lieux du monde d'en bas, où le Seigneur est allé, et voir comment il les a faits. » Répondit le marin. Voici ce qu'il a dit de te dire. Je t'en prie, n'oublie pas de venir à ma rencontre, de crainte que les puissances souterraines du monde d'en bas me retiennent. Le marin lui remit le manteau de Paul. André lui dit, retourne chez toi, pour moi, je veux batailler encore un peu avec les Juifs. Ensuite je veux me rendre à l'endroit où ils se trouvent. Le marin donna aux hommes ce qui leur revenait et partit dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Après quelque temps, André se rendit à la mer et dit au marin : « Montre-moi l'endroit où Paul s'est jeté dans l'eau. » Ils embarquèrent et naviguèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit. « C'est ici, » dit le marin. André remplit une coupe d'eau douce, et pria de cette manière : « Mon Seigneur, toi qui as séparé la lumière du milieu des ténèbres, qui as séparé la terre jusqu'à ce que le sec apparaisse. Au nom de Jésus, je verse cette coupe d'eau douce en pleine mer, pour que l'eau salée se retire et que le sec paraisse. Que la terre et le monde d'en bas s'ouvrent et que mon frère Paul remonte. » Ayant dit cela, il versa la coupe d'eau douce dans la mer, disant, « Eau salée amère, retire-toi devant la douce. » Quand il dit cela, le sec apparut aussitôt. Le monde d'en bas s'ouvrit, et Paul sauta hors de l'eau, ayant en main un petit morceau de bois. Il sauta près d'André, et l'embrassa. « D'où viens-tu mon frère, en quel lieu étais-tu ? » lui dit André. « Pardonne-moi mon frère. Je suis allé visiter les lieux du monde d'en bas où notre Seigneur est allé, et voir quelle sorte ils sont, » dit Paul. « Tu étais téméraire. Car nous-mêmes, les grands apôtres, qui avons marché avec le Sauveur, lui qui nous a instruits dans toutes choses, et depuis sa résurrection nous a fait mettre sur tous les pouvoirs, aucun de nous n'a osé faire ce que tu as fait, dit André. Pardonne-moi. J'ai réussi à le faire, mon frère. Écoute, je vais te raconter ce qui est arrivé quand je suis arrivé dans le monde d'en bas. J'ai vu les demeures de toutes les âmes. J'ai vu Judas, cet apôtre qui a marché avec notre Seigneur, sous la torture d'un grand châtiment. Je lui ai dit, que fais-tu dans ce châtiment ? Le Seigneur ne t'a-t-il pas emmené avec toutes ces âmes qu'il a emmenées ? Malheur à moi, dit Judas. Deux fois malheur de ce que j'ai fait à mon Seigneur. J'ai péché contre lui. Je l'ai livré aux Juifs pour des pièces d'argent périssables. Lorsque je me suis rendu compte que mon Seigneur était le Seigneur de toute la terre, j'ai pris mes pièces d'argent et je suis allé le rendre au prince sacrificateur. Puis je l'ai supplié. Pardonne-moi Seigneur, car je t'ai livré. Ne m'abandonne pas pour une seule chose que j'ai faite. Ne m'abandonne pas. Veux-tu me voir aller à la perdition? Souviens-toi Seigneur, car je t'ai entendu dire à l'apôtre Pierre Céphas lorsqu'il t'a demandé, si mon frère pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Tu lui as dit, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 70 fois. Pour moi, j'ai péché une seule fois contre toi, et tu veux me voir aller à la perdition? Non Seigneur, quel homme, voyant se noyer son fils, ne le secourait-il pas? Et malgré que j'ai osé te livrer, tu veux me voir aller à la perdition? Non Seigneur. C'est alors qu'il m'envoya dans le désert en disant, si tu vois venir le diable, ne crains que Dieu seul. Ne crains que Dieu seul. Et je m'en allais dans la montagne pour jeûner, afin que Dieu me pardonne. Le diable, ce prince de perdition, vint vers moi la gueule ouverte, pour me dévorer. Levant la tête au-dessus de moi, j'eus peur et je l'adorai en disant, « Tu es mon Seigneur. » Et il s'écarta aussitôt de moi. et je pleurais qu'il n'y aurait plus de pénitence pour moi. Puis je réfléchis à ce que je ferais si le Seigneur était là. Alors je partis le supplier, mais il m'avait déjà conduit au prétoire pour le juger. Aussi je me dis que j'irai me pendre pour le précéder au Sheol, aux enfers. Il descendit dans ce lieu, et emporta toutes ses âmes. Il dévasta le Sheol, n'y laissant que mon âme. Les portiers des Sheol se plaignirent du diable en disant « Comment vas-tu te glorifier que tu es le roi et qu'il n'y en a pas d'autre ? Nous nous rendons compte maintenant que tu n'es pas le roi. Ton maître, celui qui est venu, te les a tout enlevés. Vous, tous mes pouvoirs, dit le diable en présence de ses armées, pensez-vous qu'il est plus fort que nous ? Non. Il est venu dans ce lieu, et voici, une âme qu'il n'a pas pu emmener. » Alors Jésus appela Michaël, qu'il avait pris avec lui en bas au Sheol, et lui dit « Fais monter l'âme de Judas pour que le diable n'ait pas d'excuse contre moi. » Michaël vint, et me fit remonter. Et Michaël cria « Honte à toi, impuissant ennemi !» Puis le Seigneur dit à Michaël « Retourne l'âme au Sheol. Tu vas me remettre dans ses tourments ?» dit Judas en pleurant. Si j'ai fait moi-même sortir mon âme du corps, c'est que je savais que tu viendrais dans les Sheol emporter toutes ses âmes, et emporter aussi la mienne. Malheureux! Qu'as-tu donc fait à te prosterner et adorer le diable? Dit Jésus. Seigneur! C'est sous la forme d'un dragon qu'il est venu par-dessus, avec la gueule ouverte pour dévorer. Dit Judas Iscariot. J'ai peur, et l'ai adoré. Malheureux! Ton âme aurait été sauvée si tu avais dit. Jésus aide-moi. Quand il venait vers toi. Es-tu allé toi-même te mettre à mort? Chose que Dieu haït. Et ce pourquoi tu demeuras ici jusqu'au jour du jugement, quand le Seigneur te jugera, me dit Jésus. Et je suis ici depuis ce jour. Après avoir appris cela de la bouche de Judas, moi Paul, je fus très triste de le voir dans les tourments. Écoute aussi ce que je vais te raconter des Sheol. J'ai vu des rues désertes, sans personne, et toutes les portes des Sheol, que le Seigneur a détruites, étaient en petits morceaux. Tu vois, frère André, ce morceau de bois que j'ai remonté avec moi ici, c'est une attache des portes que le Seigneur a détruites. Au côté des Sheol, j'ai aussi vu un autre lieu, de belle étendue, et je demandais, qu'est-ce lieu? C'est le lieu pour les âmes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et de tous les prophètes. Dans d'autres lieux, j'entendis une foule crier et pleurer, mais je ne les vis pas. Je demandais, que sont ces lieux-là? Ce sont les lieux que le Seigneur n'a pas visités quand il est descendu au Sheol. Ceux des pleurs et des grincements de dents, où sont les meurtriers, les empoisonneurs, et les noyeurs de bœufs bébés. Après avoir rapporté cela, la barque aborda le rivage et André dit, finis de parler maintenant. Fais attacher la barque à l'endroit où tu l'as trouvée et allons en hâte à la ville, car un grand combat nous attend. Les Juifs ont préparé une grande guerre contre nous. Que le nom de Jésus soit glorifié dans cette cité.